La bête à grande queue. Lu par Johan pour audiocité.net. C'est absolument comme je te le dis, insista le petit Pierriche des Rosiers. J'ai vu moi-même la queue de la bête. Une queue poilue, d'un rouge écarlate, et coupée en sifflet pas loin du trognon. Une queue de 6 pieds, mon vieux. Oui, c'est ben bon de voir la queue de la bête, mais ce vlimeux de Fanfan Lazette est si blagueur qu'il me faudrait d'autres preuves que ça pour le croire sur parole. D'abord, continua Pierriche, tu avoueras bien qu'il a tout ce qu'il faut pour se faire poursuivre par la bête à grande queue. Il est blagueur, tu viens de le dire. Il aime à prendre la goutte, tout le monde le sait. Et ça court sur la 8e année qu'il fait des packs de renards. S'il faut être 7 ans sans faire ses packs ordinaires pour courir le loup-garou, il suffit de faire des packs de renards pendant la même période pour se faire attaquer par la bête à grande queue. Et il l'a rencontré en face du manoir de Dautreil, dans les grands arbres qui bordent la route où le soleil ne pénètre jamais, même en plein midi. Juste à la même place où Louison Laroche s'était fait arracher un œil par le maudit animal, il y a environ 10 années. Ainsi causaient Pierriche Desrosiers et Maxime Sans Souci en prenant clandestinement un petit coup dans la maisonnette du vieil André La Liberté, qui vendait un verre par-ci et par-là à ses connaissances, sans trop s'occuper des lois de patente ou des remontrances du curé. « Et toi, André, que penses-tu de tout ça ?» demanda Pierriche. « Tu as dû en voir des bêtes à grande queue dans ton jeune temps. Crois-tu que Fanfan Lazette en ait rencontré une à Dautreil ?»« C'est ce qu'il prétend, mes enfants. Et comme le voici qui vient prendre sa nippe ordinaire, vous n'avez qu'à le faire jaser lui-même, si vous voulez en savoir plus long. »